Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez là au niveau de la... C'est bon ? C'est important. Et donc, merci d'être venu. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a au moins un élément sur trois qui vous intéresse. Premier élément, c'est Montier-sur-Sault. Deuxième élément, c'est la forêt. Et troisième élément, l'histoire. Donc, vous intéressez au moins à un de ces trois, peut-être à deux éléments ou aux trois si vous êtes très curieux. Donc pour moi, la pression est assez forte parce que je ne dois pas vous décevoir et je ne dois pas vous faire regretter la sonnerie du réveil pour venir un dimanche matin m'écouter. Et d'autant plus, je l'ai dit tout de suite, je suis forestier, comme ça a été dit par M. Muller, je ne suis pas du tout historien et je ne suis pas non plus de Montier-sur-Sault. Voilà. Alors, 9 siècles d'histoire de la forêt. On va, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc Montier, eh bien, c'est dans le département de la Meuse, donc la région Lorraine. Montier se trouve donc dans le sud du département, en limite avec la Haute-Marne. Alors, comment aborder ces 9 siècles ? 9 siècles, c'est énorme. Je dirai tout à l'heure pourquoi 9 siècles. Et puis, se mettre tout de suite dans l'histoire, c'est un peu difficile. Alors, on va d'abord peut-être raisonner à partir d'un plan actuel du territoire de Montier. Donc là, vous avez le territoire de Montier, donc c'est une carte de l'Institut géographique national, avec en rouge les limites du territoire, les limites du finage. Donc Montier est ici, et nous sommes à Écuré, donc c'est le lieu d'une ancienne abbaye cistercienne. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de vert, donc beaucoup de forêts sur la carte, et puis quand on connaît un petit peu la lecture des cartes IGN, on voit qu'on a un liseré vert, donc on le sait tout de suite qu'un liseré vert, c'est donc la forêt domaniale qui appartient à l'État. Alors on voudrait quand même en savoir un petit peu plus. Eh bien, on va regarder. Alors oui, 404 habitants, quand même, il faut préciser, sur Montier. Un territoire de 4455 hectares, donc un gros territoire communal. Et la forêt représente 2574 hectares, donc 58% du territoire de Montier est boisé. Un taux de boisement largement supérieur à celui du département de la Meuse, qui est de 37%, et également largement supérieur à celui de la France, qui est de 31%. Donc on peut se poser déjà quelques questions, on dit pourquoi un taux de boisement aussi important. Alors on voudrait quand même en savoir un peu plus. Là, c'est une carte de l'Office national des forêts, qui représente la forêt, mais les différents propriétaires actuels. On a en vert la forêt domaniale, qui est située donc sur la rive gauche de l'Assaut. L'Assaut, donc, c'est ce trait bleu là. Et la forêt domaniale est aussi ici, sur la rive droite. Vous avez la forêt communale de Montier, ici. On en a un petit peu là, un tout petit peu ici. Et puis, vous avez la forêt privée. Alors, les chiffres, eh bien, ils sont donnés là. Sur le territoire de Montier, il y a 1682 hectares de forêt domaniale. Petite précision, la forêt domaniale de Montier se prolonge également, j'en parlerai tout à l'heure, sur le territoire communal de Bure, c'est ici donc le canton de Gramont. La forêt communale, 387 hectares, et la forêt privée, avec deux distinguos, les forêts privées qui sont dotées d'un document de gestion, qui peut être un plan simple de gestion, un PSG, ou alors les documents, les CBPS, contrats de gestion durable, pour 173 hectares, et forêt privée sans document de gestion, donc c'est les plus petites forêts privées, 322 hectares. Donc, on a une forêt publique, domaniale plus communale, 65 et 15, 80% de forêt publique, et 20% de forêt privée. Ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, eh bien, la question qu'on va se poser, comment cela s'est-il mis en place au cours du temps ? Voilà le type de question qu'on va se poser. Comment s'est faite l'appropriation de la forêt par les différents propriétaires ? La forêt appartient en France toujours à quelqu'un, ça peut être l'État, les communes, établissements publics et puis les privés. Une autre question, les rôles de la forêt au cours du temps. On sait à peu près aujourd'hui à quoi sert la forêt, et autrefois, est-ce que ça en a toujours été comme ça ? Comment s'est mis en place ce parcellaire forestier ? Dans les grandes forêts, que ce soit communales ou domaniales, la forêt est divisée en parcelles de quelques hectares à parfois 15-20 hectares. De quand cela date-t-il ? Et quel type de gestion ? Alors, on va redonner un petit peu dans tout ça. Je vous propose le sommaire suivant, les différents propriétaires au cours du temps, ensuite les rôles de la forêt au cours du temps, la gestion de la forêt, 9 siècles de forêt, avec un point d'interrogation, pourquoi 9 siècles, et puis quelques réflexions. Donc, les différents propriétaires au cours du temps. Donc là, on va regarder les anciens textes, et on sait qu'au XIIe siècle, tout le territoire appartenait à la famille de Joinville. Donc Joinville, pour ceux qui ne sont pas de la région, c'est une petite ville, bon, 4000 et quelques habitants actuellement, qui est dans le département de la Haute-Marne et qui est à peu près à 14 km au sud-ouest de Montier-sur-Saulx. Donc tout le territoire appartenait à la famille de Joinville. Dans les textes, on sait qu'il y a des moines cisterciens, donc de l'ordre de Cîteaux, qui s'installent ici à Icuré. Et ils venaient de l'abbaye d'Évaux, qui se trouve sur le territoire de Saint-Jouard, à 14 km à vol d'oiseau des curés, donc dans la vallée de l'Orna. Donc l'ordre de Cîteaux a été fondé en 1098 et il a rapidement essaimé en France et dans toute l'Europe. Alors, pourquoi cette donation? Pourquoi un sire de Joinville, un seigneur de Joinville, a donné une partie de ses biens à l'abbaye des curés? Alors, quand on regarde les textes, eh bien, c'est très clair. Moi, sire de Joinville, avec la louange et l'assentiment de mon fils Geoffroy, pour le salut de mon âme, je donne à au moine. Donc, tout est dit là. C'était courant au XIIe siècle, un peu avant et aussi après, qu'un seigneur laïc, pour assurer son salut dans l'au-delà, donne une partie de ses biens à des religieux à l'église. Et c'est clair. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est moi, sire de Joinville, avec l'assentiment de mon fils, donc il précise bien les choses, la famille, et pour la salut de mon âme et celle de mes parents. On sent vraiment toute une dynastie qui est d'accord pour faire ceci. Et un peu plus tard, en 1266, il y a une charte aux habitants de Montier. Là, c'est le sire de Joinville qui s'appelait Jean de Joinville qui donne une partie de sa forêt aux habitants de Montier. Alors, on savait maintenant que par Internet, on sait beaucoup de choses. Jean de Joinville, on va trouver des choses intéressantes. Parfois, Internet donne des choses intéressantes, pas toujours. Mais pour les plus anciens d'entre nous, vous pourrez vérifier sur le dictionnaire Larousse illustré Joinville. Donc, on vous cite la petite ville de Haute-Marne. Mais on vous cite Jean de Joinville, sénéchal et chroniqueur, ami de Saint-Louis, 1224-1317. Il est mort très âgé, pour l'époque, à 93 ans. Il a participé à la 7e croisade, donc c'est quelqu'un qui est connu par le Larousse et qui a donné donc une partie de sa forêt aux habitants de Montier. Alors là, pourquoi cette donation? Si, dans le premier cas, son ancêtre donnait à l'Église, qui allait prendre de plus en plus de puissance, là, il donne ça au manant, si je puis dire. Alors, on peut donner trois raisons. La première, bon, ben, il y a une certaine bonté de Jean de Joinville. Il avait fréquenté Saint-Louis, c'était son ami, donc il était assez sympathique, si je puis dire. Deuxième raison, en fait, c'est une charte. Et à l'époque, à partir de 1182, je crois, il y a ce qu'on appelle la charte de Beaumont en Argonne, qui est un village des Ardennes, et qui donnait une certaine liberté aux habitants de villes et de villages pour gérer leurs biens. Donc c'est le cas du sire de Joinville qui dit, bon, les habitants de Montier, ils sont assez grands peut-être pour se débrouiller tout seuls, on leur donne une partie du territoire. Mais il y a aussi une troisième raison, c'est que dans la région de Montier, il y a eu pas mal de guerres à cette époque-là, les gens avaient fui le village, et pour les attirer à nouveau, ben, quoi de mieux que donner une partie de sa forêt aux gens de Montier. Ce type de donation, en fait, c'est ce qu'on a appelé plus tard le cantonnement de droit d'usage. Auparavant, avant cette date de 1266, les gens de Montier avaient le droit d'aller dans les forêts du seigneur pour prélever du bois de chauffage ou du bois de construction. Mais parfois, ça provoquait quelques affrontements. Donc, pour libérer ces droits d'usage sur l'ensemble de la forêt, le seigneur dit « Bon, maintenant, hop, je vous donne une partie de mon territoire et le reste, vous n'en mettez plus les pieds. » J'y reviendrai sur cette charte de donation qui est, vous verrez, qui est intéressante. On saute un peu les étapes. En 1532, on a une nouvelle charte aux habitants parce que dans la charte de 1266, les habitants de Montier avaient la forêt ce qui devient la forêt communale, mais ils avaient le droit aussi d'aller dans la forêt du seigneur. Là, il y a une restriction des droits d'usage. On restreint un peu l'étendue de la forêt où les gens doivent aller. Et on parle aussi d'une délimitation entre la forêt du seigneur et la forêt des habitants. En 1625, on voit un dénombrement aussi qui nous donne la surface des forêts qui appartiennent aux moines ou à la forêt qui appartiennent aux habitants. Là, j'avoue que quand on regarde les arpents à cette époque-là, ce n'est pas très clair pour s'y retrouver avec aujourd'hui. Attendez, on y verra un peu plus clair un peu plus tard. En 1647, il y a le lieu-dit Les Échenets, que je vous montrerai sur la carte, qui appartenait aux habitants de Damary. Damary, c'est un village qui n'est pas très loin de Montier. Ça représente à peu près 90 hectares, et les habitants de Damary pouvaient aller dans cette forêt-là. Mais ils devaient traverser les territoires de Morlaix. Donc, et cette forêt-là n'était pas sur leur territoire communal. Donc ils devaient payer des taxes, et au bout d'un moment, ils ont trouvé que c'était embêtant. Les habitants de Damary ont vendu cette forêt-là à un seigneur local. Alors, je vais trop vite là. Pour l'instant, pas de plan. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour avoir les premiers plans connus de toutes les forêts dont je vous ai parlé. Et là, je trouve que c'est assez intéressant. Vous avez déjà un plan de la forêt en 1761, donc la forêt du Sire de Joinville, qui, par le jeu des mariages, des héritages, devient une forêt ducale au duc de Lorraine, puis royale en 1766. Alors, petite précision, la Lorraine a été rattachée à la France en 1766, mais bien avant cette date de 1766, quand on regarde les documents, on voit que c'est déjà une forêt royale. Donc, dès l'avènement du duc Stanislas en Lorraine en 1738, c'est comme si la France avait déjà mis main basse sur la Lorraine. On retrouve forêt royale ou par ordre du roi. Voilà. Donc la forêt royale, alors je vous montre les plans actuellement, puis on va les replacer sur la carte actuelle. Donc il y a ce qu'on appelle les échenets, ici, donc c'est bien dessiné. Le gros morceau là de la forêt de Montier-sur-Saulx, donc un gros ensemble, bien dessiné aussi. On continue avec la forêt des Cisterciens, donc de la forêt des moines des curés. En 1741, donc voilà, on est ici à Écureuil, donc il y a l'assaut, donc sur la rive gauche et sur la rive droite. Et puis, on a la forêt de Montier qui appartient aux habitants. Je reviendrai aussi sur ces plans-là, parce que pour l'instant, donc c'est un plan de 1748, on représente le périmètre de la forêt, quelques bornes, mais sans plus. Montier, il y avait aussi un petit morceau que je replacerai tout à l'heure. Donc là, si vous voulez, à partir de ces plans du XVIIIe siècle, on a un puzzle. On a les différentes pièces du puzzle qui vont nous permettre de faire le plan de la forêt actuelle de Montier. Regardez. Donc j'ai mis Montier-sur-Saulx en 1761. C'est les derniers plans du XVIIIe. Donc je reprends les échenets, la forêt qui appartient aux moines, la deuxième partie, la forêt qui appartient au roi maintenant, la forêt communale, un morceau là, un autre morceau là-bas, et hop, les différents morceaux du puzzle s'assemblent bien. Et on retrouve donc bien là, ici, donc c'est la forêt, anciennement forêt royale, la forêt donc ici qui appartenait aux moines, de chaque côté, de l'assaut, le gros morceau là, la forêt du seigneur, et forêt communale ici, et forêt communale là. Je trouve que c'est remarquable parce que je ne me suis pas amusé à découper les plans qui viennent des archives départementales, mais ça marche bien. Bon, là, je vous parle des plans. Maintenant, on aimerait bien savoir un petit peu plus au niveau des surfaces. C'est bien beau, tout ça. Alors, regardons. 58 hectares ici pour la forêt royale, 376 hectares pour la forêt des moines, et ici 248. Si vous faites le calcul, 376 plus 248, il y avait la forêt des moines, 624 hectares. La forêt royale, 992, quand même, le seigneur y donne, mais il s'en garde quand même un gros morceau. Bon, il est quand même assez généreux. Et quand vous additionnez 58, 992, 1050 hectares. Et puis, pour terminer, donc, la forêt communale, 390 hectares. Alors, je vous donne les surfaces actuelles en hectares. Et pour la première fois, je me dis, tiens, mais regardons les surfaces sur les plans qui sont en arpents. Alors, en sachant déjà, premièrement, il y a l'arpent de Lorraine, l'arpent de France. Ce n'est pas la même mesure. Alors, l'arpent de Lorraine, un arpent en Lorraine, ça valait 20h44. Donc, 5 arpents de Lorraine, ça fait à peu près 1 hectare d'aujourd'hui. Et puis, alors là, tous ces plans-là sont en arpent de Lorraine, ça c'est clair. Tout à l'heure, je vous ai déjà parlé de la forêt qui est sur le territoire de Bure, qui appartenait à l'abbaye des Vaux, donc dans la vallée de la Sault. Le plan est en arpent de France, mais bon, on fait la conversion, ça va. Et quand on fait la conversion arpent de Lorraine en hectare aujourd'hui, eh bien, à 1 ou 2 hectares près, la forêt communale, impeccable. Pour la forêt ducale aussi, ça marche relativement bien. Il n'y a que pour cette partie-là, sur la rive gauche de la Sault, c'est un peu moins bon. Il y a une différence plus importante. Mais pour bien montrer que les plans qui ont été faits au XVIIIe siècle sont faits d'une manière remarquable. J'y reviendrai encore tout à l'heure, parce que là, je vous ai montré les plans avec les périmètres. On en saura plus un peu tout à l'heure. Voilà. Alors, pour en terminer sur cette histoire de plans, donc, si on résume, on a la forêt des moines en rose, la forêt ducale puis royale en 1766, qui, forêt des moines plus forêt ducale, avec la nationalisation des biens du clergé, je crois que c'est le 2 novembre 1789, vont devenir des forêts royales, enfin, récupérées par l'État. Et puis, suivant les régimes, ça s'appelle forêt impériale. Bon, maintenant, forêt domaniale depuis, avec la guerre de 1870, on ne parle plus d'empereur, c'est forêt domaniale. Donc, forêt domaniale en 1789, et puis donc la forêt communale de Montier, ici, un morceau là, puis un tout petit morceau là. Eh bien, on se rend compte déjà, avec ces plans, que l'origine des forêts est ancienne, et ça a des racines profondes. Et ça fait quand même réfléchir, là, si je prends l'exemple de Montier-sur-Sault, la communauté, puisqu'on parle de communauté, les habitants de Montier-sur-Sault, on ne parle pas de commune à l'époque, là, mais possède la forêt depuis 1266, ça fait 750 ans. Et quand on est jeune forestier à l'ONF, on ne comprend pas toujours l'attachement des habitants à leur commune. Alors, ça dépend des communes, il y a toujours des différences. Mais il ne faut pas être étonné quand on voit l'exemple de Montier. Alors, on ne connaît pas toutes les origines des forêts communales, mais quand une communauté peut dire « notre forêt, on la possède depuis 750 ans », ça donne un certain poids. Voilà, différents propriétaires au cours du temps. Alors, les rôles de la forêt maintenant au cours du temps. Là aussi, on va se pencher sur les textes. Il y a déjà une bulle du pape en 1168 qui confirme les donations qu'ont faites les sires de Joinville aux moines des curés. Vaine pâture pour les animaux. C'est-à-dire que la forêt, c'était aussi un endroit, pas seulement pour y prélever du bois, mais on envoyait aussi les animaux domestiques, en particulier les porcs. Les porcs appréciaient les glands, les faines, et on envoyait donc les animaux domestiques en forêt. Donc glands et faines pour les porcs, les usages sur toute cette terre. Donation du seigneur de Commercy de la terre de Froilay au Menasser en 1188. Alors, Froilay, c'est sur le territoire actuel de Morlaix. Je cite cette date et je cite cette donation parce que c'est la première indication datée d'une présence de minerais de fer dans la région. Alors, un peu de géologie. Ici, nous sommes sur les calcaires du Barrois et au-dessus de ces calcaires, donc calcaires, vraiment calcaires, vous avez ce qu'on appelle une couche géologique qui s'appelle le Volanginien. C'est un mélange de limon, d'argile et de sable, proportion variable suivant les endroits. Plus ou moins épais, ça peut aller de 50 cm à 8 mètres de profondeur. Pour les forestiers, quand vous dites Volanginien, vous avez tout dit. C'est la cerise sur le gâteau. Et ce guignot sourit, je pense que nous sommes d'accord. Et des collègues aussi. Si vous allez à 20 km à vol d'oiseau d'ici, à Gondrecourt, c'est du calcaire pur et dur. Ça n'a rien à voir au niveau sol. Ici, vous êtes sur du Volanginien. Volanginien, tout pousse. Ça pousse haut, ça devient gros. On peut faire des beaux chênes, on peut faire des beaux hêtres. Enfin, on peut faire des beaux érables. On fait beaucoup de choses. Donc, c'est la cerise sur le gâteau. Et en plus, autrefois, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on y prélevait du minerai de fer. c'est le début d'une activité métallurgique qui a duré encore pas très longtemps, puisque les moines n'exploitaient pas seulement des terres ni de la forêt. À Écuré, ils avaient également une forge, donc pour faire du minerai de fer, et ils ont exploité leur forge jusqu'en années 1500, puis après c'était un propriétaire privé qui a repris la suite. Mais une activité sidérurgique assez ancienne. Voilà pourquoi je cite 1188. Droit d'essarter, de tirer de la mine et établir des forges. Voilà, c'est, j'y viens là. Et droit de pâturage et d'usage au bois dans les forêts de Morlaix. Donc la forêt, c'est pas seulement du bois, mais c'est également un espace pour les animaux domestiques. Là, ce qui est intéressant, c'est la charte de donation aux habitants de Montier, dont j'ai parlé tout à l'heure en 1266. Donc, c'est une charte qu'on a aux archives départementales, un texte qui est très très bien écrit. Bon, je ne suis pas un spécialiste des anciennes écritures, un paléographe, mais on arrive quand même à trouver quelques mots, à les comprendre, et puis être d'une régularité exemplaire. Donc, c'est la charte du sire de Joinville, de Jean de Joinville. Et puis, donc, dans cette charte, quand il précise, je donne une partie de la forêt aux habitants de Montier pour avoir du bois de chauffage. Je vais énumérer un peu tout ce qu'on peut y trouver. Bois aussi pour leur construction. Espace pour les animaux domestiques, vin de pâture, gland et fen pour les porcs. Donc, un peu ce qu'on retrouve dans la forêt ecclésiastique. Et c'est bien précisé, hein, noir sur blanc. Et puis, là aussi, je fais exprès, je trouve que c'est intéressant. Il y a un moment donné, donc il le dit bien, les gens de Montier peuvent aller dans telle partie, donc je leur donne une partie de la forêt. Sur l'autre, ce qui restait au Seigneur, ils peuvent prendre beaucoup de choses, mais je me réserve quatre essences. Alors, c'est dans le texte, là, louchâne, loufou, loupaumé et louperrier. Alors, louchâne, le chêne. D'ailleurs, dans la flore forestière, tome 1 de... pour les forestiers qui donnent beaucoup de choses au niveau information sur les arbres et sur les plantes. Parmi les appellations qui peuvent être locales du chêne, on trouve le chagne. Le fou, le hêtre, ça vient du fagus. Et là aussi, c'est une appellation dans certaines régions. Pommière, le pommier. Et perrier, le poirier. Alors, on ne cite pas les autres essences. On ne sait pas s'il y a du charme, on ne sait rien d'autre, mais... quatre essences, alors, qui montrent bien l'importance de ces quatre essences pour leur bois, mais également aussi pour les fruits. Alors, c'est un peu étonnant parce que le fou, on dit, mais le hêtre, bon bois de chauffage, et le charme, un très très bon bois de chauffage aussi, qui a l'avantage, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a le mérite d'avoir des CP, que ne fait pas le hêtre. Mais l'intérêt du hêtre par rapport au charme, c'est qu'il a des fruits, les fennes, avec lesquels on pouvait faire de l'huile. Le charme, je ne connais pas l'utilisation des fruits. Donc voilà, je crois pourquoi le Seigneur tenait au hêtre. Bois vif, donc j'espère, le chêne, le fou, le pommier, le perrier, et les traductions que je viens de donner. Alors, je ne vais pas donner toute l'utilisation des bois, je ne donnerai qu'au cours du temps l'utilisation du hêtre, qui est très très présent à Montier, et dont la réputation à Montier, vu le sol que l'on a, la pluviométrie aussi, on a une bonne pluviométrie à Montier, qui font que le hêtre de Montier est réputé. Donc, utilisation du hêtre, bois de chauffage, ça c'est bien, c'est connu. Utilisation des fennes, j'en ai parlé tout à l'heure, pour l'huile. Charbon de bois, autrefois, et encore actuellement, puisqu'il y a Carbofrance qui fait donc du charbon de bois. Hélice d'avion, alors ça c'est un petit clin d'œil, ça, par rapport, on cite toujours Colbert, exploitation de chêne, du chêne pour la marine. Au début des années 1900, on faisait des hélices d'avion avec du hêtre. Bon, on l'a peut-être oublié, ça, mais c'est amusant, c'est pour l'anecdote, mais ça existe. Du contreplaqué, et on peut dire que le hêtre a pris, est rentré un peu, si je puis dire, dans la classe des grands à partir du moment où on a pu l'utiliser dans le contreplaqué, enfin faire d'autres usages que du bois de chauffage. Le chêne, j'en parle pas, mais c'est le chêne. Quand on dit le chêne, c'est un arbre qui joue avec les siècles tant qu'il soit vivant ou qu'il soit abattu. Et bois de trituration, donc pour l'industrie, et bois pour la papeterie. Et bois d'œuvre, bien entendu, pour les meubles. Alors, on arrive maintenant à la gestion de la forêt. Un gros chapitre aussi. Et là, je vais me baser sur les plans qu'on a vus déjà tout à l'heure, mais on va s'y attarder un petit peu plus, on va revoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information. Alors déjà, le parcellaire. Le parcellaire, tel que l'on connaît actuellement, c'est une façon aussi de pouvoir gérer la forêt. Avant le XVIIIe siècle, on n'a aucun renseignement sur le parcellaire. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure, je préciserai surtout pour la forêt communale, même pour la forêt domaniale, les parcellaires ont été dessinés, ont été mis en place à partir du milieu du XVIIIe siècle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc, au XVIIIe siècle, premier plan et première réglementation. C'est là aussi qu'on sent, au milieu du XVIIIe siècle, on en demande de plus en plus à la forêt. Alors, tant que la matière première est abondante, eh bien, on puise, on ne fait pas très attention. À partir du moment où il y a des conflits, des usages de plus en plus importants, il faut peut-être un petit peu réglementer. C'est le cas du 18e. Alors, on va reprendre le plan de la forêt des Cisterciens, donc, qui date de 1741. Donc, c'est un arrêt royal du 5 octobre 1741. Donc, la Lorraine n'est pas rattachée à la France, mais c'est tout comme. Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a déjà la mise en place d'un quart en réserve. Donc, il y avait une obligation pour les forêts qui appartiennent aux moines ou qui appartiennent aux communautés des villages, les forêts communales, ou aux propriétaires privés, obligation de mettre un quart de la surface en réserve. Donc, c'était pour deux... Enfin, surtout pour les communes, c'était... Mais aussi pour les communautés ecclésiastiques, mais pour les communes, je trouve que ça se comprend beaucoup mieux. Il y avait deux raisons. Premièrement, c'était dans le reste de la forêt, dans les trois quarts restants, les habitants pouvaient faire leur affouage, leur bois de feu. Le quart en réserve, c'était un peu comme une caisse d'épargne où on laissait croître les arbres en futaie. Et il y avait donc cette deuxième raison, croître les arbres en futaie, je vous montrerai ça tout à l'heure, c'était pour avoir du bois d'œuvre, par exemple pour faire des bateaux. L'importance de la marine. Donc, obligation de mettre en place un quart en réserve. Alors, et le reste, normalement, de la forêt devait être partagé en 25 coupes, en 25 parcelles. On ne parlait pas encore de parcelles à l'époque, c'est 25 coupes. Alors là, il se trouve que sur le plan des curés, il n'y a que le quart en réserve qui est dessiné, le reste, pas de dessin. Je ne sais pas pourquoi, bon, il y a des exceptions. Et on parle de contrées, donc c'était un peu comme des lieux-dits, mais on n'en sait pas plus. Alors là, je vous montre le plan de la forêt de l'abbaye des Vaux, donc, mais qui est sur le territoire de Bure, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est sur ce qu'on appelle Gramont. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on a bien le quart en réserve, qui est ici, et le reste de la forêt est divisé en 24 coupes. Donc chaque coupe doit passer chaque parcelle passe en coupe tous les ans. Enfin, une parcelle, hein, par exemple, la parcelle 1 va passer en 1737, la parcelle 2 en 1738, ainsi de suite, et 24 ans plus tard, on recommence. Je reviendrai là-dessus avec le plan de la forêt communale de Montier. Là, c'est la forêt ducale, donc le petit morceau qui était sur la rive gauche de l'Ornain, le morceau sur la rive droite, 1761. Donc, je sais pas si... Alors, c'est divisé en 30 coupes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 1050 hectares, c'était des parcelles de plus de 30 hectares. Ce n'est pas rien, 30 hectares. Et ce qui est intéressant, forêt affectée à la forge. Donc c'est bien la forêt qui appartenait auparavant au seigneur, ainsi de suite, qui est devenue maintenant la forêt royale, qui était affectée. Ça veut dire qu'elle doit subvenir aux besoins de la forge. C'est clair et net, c'est l'inaffectation. Un bornage. C'est précisé dans le texte. Une division en 30 coupes, je viens de le dire, donc des parcelles de plus de 30 hectares. Et normalement, réservation par hectare. Alors, moi, j'ai mis par hectare, hein, bien entendu, à l'époque, on parlait en arpents. 10 arbres vieilles écorces, 20 anciens, 20 modernes et 59 baliveaux. Alors, je vais expliquer un peu tout ça. Et parmi les arbres qu'on devait réserver, c'était le chêne, c'est le roi de la forêt, ou à défaut, hêtre ou autre. Alors, voilà. Un petit croquis qui va expliquer un peu mieux cette façon de gérer la forêt, qu'on a appelé plus tard le traitement en taillis sous futaie. C'est un terme qui apparaît au début du XIXe siècle. Sur les textes et sur les plans du XVIIIe, on n'en parle pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce taillis sous futaie ? Eh bien, le taillis, c'est ce que vous voyez là, c'est les rejets de charme, principalement de charme, qu'on coupe Par exemple, j'ai dit tout à l'heure en 1761, et ça c'est une parcelle, et on repassera 24 ans ou 25 ans plus tard. En général, c'était des rotations 24, 25, 30 ans. Le taillis est sous-futé. Donc l'affûté, elle est composée par ce qu'on appelle les baliveaux, qui sont de l'âge du taillis. Donc en voici un, là, un baliveau. Bon, il y en a un par derrière, ici. Les modernes, ce sont les arbres qui ont deux fois l'âge du taillis, et puis les anciens, donc, qui sont trois fois l'âge du taillis, hein, qui sont plus gros. Donc, pour les plus anciens d'entre nous, je pense que ce sont des termes que vous avez dû connaître, on coupait le taillis et on réservait donc ces baliveaux, ces modernes, ces anciens. Alors, je dis ça, c'est le 18e. On repart un petit peu en arrière, parce que ça, c'était un progrès pour avoir du taillis relativement gros. Il se trouve qu'autrefois, on avait tellement besoin de bois, et puis pas de parcellaires, donc on avait des parcellaires, si je puis dire, à géométrie variable, suivant les besoins du moment. Si bien que parfois, on n'attendait pas 24 ans pour avoir du taillis, on le coupait tous les 15 ans ou tous les 10 ans. Même dans l'ordonnance royale de Colbert sur le bois, qui date de 1669, il dit « on coupe le taillis, il faut au moins qu'on le coupe qu'il ait 10 ans ». On est encore loin des 25 ans, parce qu'à certains endroits, on le coupait encore plus jeune. Problème, quand on coupe du taillis jeune, donc, premièrement, il n'est pas très gros, deuxièmement, pas beaucoup de pouvoir calorifique. Donc, ce n'est pas très intéressant, puis épuisement des sols. Donc, c'est à partir des années 1720 que ça va se généraliser en France, en Lorraine, bien entendu, d'avoir des rotations beaucoup plus longues, entre 24 et 30 ans. Ça, c'est important à savoir, parce qu'on a toujours l'impression que le taillis sous-futé, ça date depuis des siècles et des siècles. Non, milieu 18e, donc c'est à peu près 250 ans. Voilà, réserve donc les baliveaux, les modernes et les anciens. Donc là, c'est une photo d'un vieux taillis sous-futé. Donc on voit bien le taillis de charme et les réserves de chêne. Alors, je donnerai quand même quelques précisions tout à l'heure. On a l'impression que c'est très beau sur le papier, ça. Hein, les modernes, les baliveaux, tout ça, mais on va voir que en allongeant les rotations de taillis, ça pose aussi quelques soucis au niveau de la futée. Alors voilà pourquoi on appelle maintenant le traitement futé, et c'était mis en place, alors on le faisait déjà d'une manière un petit peu timide au XVIIIe siècle, et c'était surtout mis en place au milieu du XIXe siècle. Alors pour quelles raisons? Tout à l'heure, j'ai parlé de la forêt ducale ou la forêt royale qui était affectée à la forge. C'était pour donc du bois dont on avait besoin comme combustible, pas seulement dans les forges, mais suivant les endroits, ça pouvait être pour faire des tuiles, pour des salines. On utilisait le bois ou le charbon de bois. Alors maintenant, on va faire un petit peu d'histoire en dehors de la forêt, mais on ne va pas la quitter. Dans les années 1840, en France, 1850, on va utiliser de plus en plus le charbon de terre, ce que l'Angleterre avait déjà fait pratiquement un siècle plus tôt, mais ils avaient moins de forêts. À partir du moment où on a utilisé le charbon de terre, on a utilisé moins de bois dans les forêts pour l'industrie. D'ailleurs, il y a une belle formule d'un forestier qui s'appelait Lucien Turc, qui a dit qu'à partir du moment où on n'utilisait plus le taillis pour l'industrie, il parle de la forêt qui était la servante congédiée de l'industrie. D'ailleurs, le terme « la forêt qui était affectée », donc c'était vraiment « la forêt, elle doit subvenir aux besoins de l'industrie ». Donc à partir du moment où on n'a plus utilisé le taillis pour les forges, entre autres, ça a permis d'utiliser un peu moins de bois et donner un peu plus d'autres utilisations au bois. Alors, il y a milieu 19e, il y a d'autres utilisations du bois qui interviennent. Chemin de fer, les rails reposent sur du bois, donc il faut des traverses. Du bois aussi pour faire les wagons, à l'époque c'était des wagons en bois. L'industrie papetière utilisait aussi du papier. Donc on avait de plus en plus, et c'était aussi le but des forestiers de l'époque, de dire maintenant le taillis sous-futé, c'est bien beau pour faire du bois de chauffage, il vaut mieux faire de la futée. Alors la futée, eh bien, sur une parcelle, on a à peu près les arbres qui ont à peu près le même âge, donc des semis, quand c'est un peu plus gros, du goli, du perchi, jeune futé et futé adulte. Alors, ça ne s'est pas fait sans mal, on va y revenir tout à l'heure, mais ça a commencé milieu 19e et à Montier, ça a dû commencer en 1868. Voilà, là, c'est un flanc de la forêt de Montier en 1868, forêt domaniale. Alors, beaucoup de couleurs, je vais simplifier un petit peu, et qui étaient quatre séries. Alors, les quatre séries, en fait, on sent que le poids de l'histoire, il y a la série du Val-Payard. Alors, c'est le terme, c'est amusant, Val-Payard, c'est sur la rive gauche. Donc, ce qui correspond à la forêt des moines, plus la petite forêt, le petit morceau de la forêt ducale, la série des curés, la série de Montier, et puis la série de Grandmont. Bon, maintenant, on a tout regroupé en une seule série. Bon, c'était des découpages administratifs, peu importe. Donc, forêt domaniale, taille sous-futée jusqu'en 1868, donc avec des rotations de 24 à 30 ans. En 1868, un aménagement de conversion en futée, donc on passe du régime du taillis à la futée. Alors, ce terme de conversion, donc c'est ce qui est le terme utilisé par les forestiers, personnellement, moi, je ne l'aime pas trop. Parce que ça nous fait penser aux guerres de religion entre les catholiques et les protestants, on se tape dessus. Bon, je crois qu'il y a d'autres moyens, même en forêt, soyons un peu plus, arrondissant un peu plus les angles. Bon, après, c'est impression personnelle. Ces conversions en futée, on la laisse tomber, retour aux taillis sous-futées, bon, parce qu'il y a eu par endroits. Ça a plus ou moins bien marché. Et puis, il y avait encore une pression de certains industriels qui avaient encore besoin du taillis. Ils faisaient pression sur la direction des forêts, pas seulement sur le territoire local, pour revenir au taillis sous-futé. Ce n'est pas fait d'une seule fois. Par contre, en 1953, on repart avec un aménagement futé. Alors, je ne vais pas donner tout le détail, à futé par bouquet, ainsi de suite, mais c'est pour dire que ça ne se fait pas par hasard. 1964, et bon, c'est les termes de forestier. Je dis deux mots sur le 26 décembre 1999, c'est ancré en mémoire pour les forestiers, la tempête, l'ouragan, qui a fait pratiquement 120 000 m3 de chablis sur la forêt domaniale de Montier. Donc un gros, gros volume. Ah, Montier, mais les alentours, Commercy, Beaulieu, ainsi de suite. Voilà. Pour la forêt domaniale. Alors, on va revenir sur maintenant la forêt communale. On revient en arrière. Là, sur le plan de 1748 que je vous avais montré tout à l'heure, je vous avais dit le périmètre est relativement bien dessiné. Par contre, pas de parcellaire, pas de parcelle. Et comme pour le bois, la forêt des curés, on voit par endroits des termes de contrées. On n'en sait pas plus. Les contrées sont quand même données. On donne une surface par arpent. Il y avait une dizaine de contrées. Mais ça, c'est 1748. Et regardez, en 1762, un plan qui est remarquable, et vous allez comprendre pourquoi il est remarquable dans quelques instants. Donc, on a bien le quart en réserve dont j'ai parlé tout à l'heure, et le partage donc en 25 parcelles. Ça, c'est Montier-sur-Saulx, mais vous pouvez dire que la plupart des forêts communales, en Meuse, mais aussi dans les autres départements, ont eu ce découpage du parcellaire. Alors, maintenant, on va comparer ce plan du 18e avec le plan actuel de Montier. Mais regardez, tac, tac, et je trouve que ça, c'est pas trop mal. Hein, c'est au niveau du dessin. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que le parcellaire n'a pas changé. Et c'est valable pour d'autres forêts communales, je dis. Hein, la plupart du temps, c'est... Donc, c'est ça qui est intéressant. On dit, bah, oui, bon, ça, c'est des vieux papiers. Bon, oui, d'accord, mais attention. Il y a sur le terrain, c'était mis en place et on retrouve ces découpages-là actuellement. Hein, Sébastien, la parcelle 1 est toujours la parcelle 1, je crois. Hein, ça n'a pas changé. Voilà. Ça, je trouve que c'est. Enfin, pour moi, c'est important. Et quand on en parle avec. Par mon travail, j'ai eu l'occasion d'aller à beaucoup de réunions de conseils municipaux. Eh bien, je m'efforçais toujours, en quelques minutes, de ne pas seulement parler de la gestion actuelle de la forêt, de la gestion future, qui attendait, on va chercher quelques racines, et on pouvait parler aussi de la gestion dans le passé. Et c'est vrai que ça ancre dans le territoire. Voilà, alors, communal de Montier-sur-Saulx, donc dans le texte du plan, là, un arrêt du Conseil du 12 mai 1757, car en réserve, division 25 parcelles, réservation par hectare de 59 balivaux, donc c'est quand même énorme, chêne ou à défaut hêtre ou autres essences. Division du car en réserve, ah oui, le car en réserve, à cette époque du 18e, c'était un gros morceau et qui était seulement divisé en parcelles. Alors pour les parcelles du car en réserve, on appelait ça des coupons. En général, c'était divisé en parcelles, en coupons, deuxième moitié du 19e siècle. Et ça, c'est pas seulement sur Montier. La plupart des forêts communales ont eu leur car en réserve découpé en différentes parcelles, 1870-1880. En 1931, allongement de la Révolution à 30 ans. Donc, alors, cette histoire de révolution, je vais en toucher de la deux mots tout de suite après, et puis aménagement de conversion en futaie en 1964. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, oui, c'est bien beau sur le papier, ces histoires des balivaux, des modernes, des anciens. Ben oui, on a du taillis, on va avoir des modernes, c'est formidable. Ça, je veux dire que c'est un peu la théorie. Cette histoire de mettre des rotations à 25 ans, c'était pour avoir du gros taillis. Par contre, quand on connaît le besoin en lumière des végétaux, surtout des chênes, par exemple, si vous coupez votre taillis, par exemple, maintenant, en 2019, vous repassez dans votre parcelle 25 ans plus tard, donc s'il y a eu un semi qui a germé en 2018 ou qui va germer en 2019 ou 2020, si vous repassez dans votre parcelle 25 ans plus tard, vu la croissance des autres végétaux tels que le charme ou le hêtre, votre petit chêne risque de s'étioler ou de mourir tout simplement. Donc avec des rotations relativement courtes, 10 ans, 12 ans, la lumière arrivait relativement souvent en forêt et permettait à des essences avides de lumière comme les chênes de pouvoir s'en sortir. Avec des rotations longues, pas beaucoup d'espoir de retrouver des semis. Donc, d'un côté, on avait du taillis exploitable, assez gros, mais de l'autre côté, on perdait des arbres de futaie. Voilà pourquoi on est passé à ce système de conversion. Ouragan, pareil, du 26 décembre, et je crois sur Montier, c'est à peu près 11 mètres cubes de Chablis sur Montier, je crois que c'est à peu près ça, Sébastien. Ouais, communal, hein, bien entendu. Hein. Alors, plan du car en réserve, voilà. Alors, là aussi, sur les anciens plans des car en réserve, tout à l'heure, donc, c'était des chiffres arabes pour la numérotation des parcelles, sur les car en réserve, à l'époque, toujours des chiffres romains. Bon, maintenant, c'est dans la logique la suite de la numérotation. Alors, la gestion forestière, très rapidement, c'est une fonction environnementale. Hein. C'est un réservoir de biodiversité avec des tas de... Pas que des arbres, il y a des arbustes. Bon, on a aussi une chance sur les plateaux calcaires d'avoir une diversité d'essences qu'on n'a pas toujours sur des terrains très acides. Pas seulement aussi pour les végétaux, pour la faune. La grande faune et la petite faune, une fonction sociale, on se promène en forêt, il y en a qui vont faire du bruit en forêt, ça c'est moins drôle, fonction sociale pour la chasse, et puis une fonction de production, donc production de bois, et on entend souvent dire ouais, les forestiers coupent tout, s'ils me saccagent les forêts. Bon, alors deux, trois petites choses là-dessus, on ne coupe pas pour le plaisir, mais je crois qu'il faut deux choses importantes. Le forestier pense toujours aussi à l'avenir. Donc, quand on coupe une coupe d'amélioration, c'est qu'on améliore le peuplement. Donc, on va retirer des arbres qui ne sont peut-être pas très, très beaux au profit d'autres qui sont plus beaux. Et on pense toujours à l'avenir quand on fait des coupes de ce qu'on appelle des régénérations. Donc, on dit, bon, il y a des arbres qui ont atteint leur diamètre. Bon, les arbres, c'est comme nous, hein. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent durer, ils vivent plus longtemps que nous, mais un arbre, surtout le hêtre, ben, il arrive un moment, surtout qu'il a une santé fragile. Hein. Le hêtre, c'est le gros costaud, mais il n'a pas une santé terrible. Hein. Donc, au bout d'un moment, ben, il peut dépérir. Donc, autant le récupérer quand il peut encore nous apporter quelque chose. Donc, on coupe, mais on assure aussi l'avenir avec des semis, hein, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ancré. Hein. On ne peut pas dire qu'on coupe pour le plaisir et qu'on n'assure pas l'avenir. Deuxième chose, on peut dire, oui, vous coupez beaucoup. Bon, on coupe. Alors, là, il se trouve qu'à l'ONF, pour les forêts communales, on a ce qu'on appelle des états signalétiques qui nous donnent les volumes exploités depuis 1891. Donc, on a 120 ans de volume derrière nous. Et ça va peut-être vous étonner. Donc, je me suis amusé, mais c'est pour moi, ce n'est pas un amusement, de voir ça par tranche de 10 ans. Et quand on regarde 1891-1900, on a des volumes extraits très importants, plus importants parfois qu'aujourd'hui. De mémoire, à Montier, 1891-1900, c'est du 6 mètres cubes par hectare et par an. Voilà. Actuellement, Sébastien, voilà, 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Donc, il ne faut pas croire qu'on ne coupait pas auparavant. Voilà. Alors, 9 siècles de forêt. Point d'interrogation. Parce que là, jusqu'à présent, ben, je vous ai dit, il y a des textes, il y a des plans. Mais, et avant? Alors avant, ben on va s'aider avec un lever, ce qu'on appelle du LIDAR. Donc c'était financé par l'ANDRA, par le suivi OPE, suivi permanent de l'environnement. Donc c'est un vol par avion d'un laser qui envoie donc des rayons. Et le temps, donc il y a des rayons laser qui sont envoyés depuis l'avion, qui arrivent sur le sol, qui repartent. Et puis on mesure le temps de parcours, si je puis dire. Et en fonction de temps de parcours, on peut savoir à quelques centimètres près qu'est-ce qu'on trouve au niveau du sol. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est sur le terrain, quoique maintenant, grâce au LIDAR, on a un œil un peu plus averti qui nous permet peut-être de voir des choses qu'on n'aurait jamais vues auparavant. Donc là, eh bien, on voit des lignes de parcelles, et puis on voit parfois des petits tumulus, là aussi. Après, c'est le travail des archéologues d'aller voir un peu ce qui se passe. Et puis, je ne sais pas si vous retrouvez là, donc c'est le massif de Montier sur la rive droite. On se rend compte qu'il y a autrefois, il y avait des bâtiments isolés ou des groupes de bâtiments. Donc là, si je fais un gros plan, bâtiments isolés, donc en pleine forêt. Alors, ça nous surprend. Donc, ça veut dire que. À l'époque gallo-romaine, il y avait un paysage totalement différent de ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire que ça a toujours été forêt. Donc on n'a certainement pas la même perception de la forêt si on pense à l'époque gallo-romaine et maintenant. Hein ? C'était certainement une forêt certainement plus ouverte, mais avec aussi des parcellaires, donc des tas de pierres, et puis pour matérialiser les champs, et puis certainement des habitations, des villas genre gallo-romaines. Et il se trouve que, je dis maintenant, ça nous ouvre les yeux. Et il y a quelques années, là, j'avais parcouru une forêt que je connaissais pourtant, et puis je la reparcours quelques années après, mais je dis, mais je voyais des ronds de pierre, un amas de pierre, donc 3-4 mètres de diamètre. J'étais passé plusieurs fois à côté, et en discutant avec un archéologue, il me dit, oui, c'est certainement des restes d'une cabane en pierre, donc c'était certainement quelque chose qui servait à abriter des personnes. Donc, une forêt qui était différente, qui était beaucoup plus ouverte. Alors, ce que je dis là sur Montier, c'est vrai également, il y a des études qui ont été faites sur la forêt de Haye, près de Nancy, qui confirment bien cela. Alors, maintenant, on va terminer par quelques réflexions. Donc, une structure foncière avec des racines profondes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin, quand on voit qu'il y a des donations qui datent du IIe siècle, et des... Au niveau des propriétaires, eh bien, que c'est quand même très très ancien. Là aussi, quand la forêt de la communale de Montier et sa forêt depuis 1266, les gens de Montier ne sont quand même pas ingrats, parce qu'à Montier, il existe une rue Sire de Joinville. Ils ont de la reconnaissance. Une stabilité foncière donc sur le très long terme, surtout en forêt communale, c'est vrai. Les fonctions de la forêt évoluent en fonction des besoins de la société. Et je dirais même que la forêt a bon caractère pour s'adapter aux exigences de l'homme et aux aléas du temps. Hein, entre nourrir des porcs avec les glands et puis faire du bois de chauffage, bois de construction, ce n'est pas toujours évident. Le bois est une matière première renouvelable, donc il faut une gestion respectueuse de la forêt. Tout à l'heure, je parlais du charbon de terre. Bon, on exploite le charbon de terre et puis c'est fini. Nous, comme tout à l'heure, j'ai dit, on doit penser à l'avenir. Donc, on prélève, mais on pense à l'avenir. Ça, c'est ancré chez le forestier. Et le rôle du forestier, c'est répondre aux besoins de la génération présente sans compromettre les droits et les attentes des générations futures. Alors, je dis toujours, le forestier, il doit avoir un regard sur le passé, un regard sur le présent et un regard sur l'avenir. Alors, pour conclure, eh bien, nous sommes dans un lieu où... C'était l'esprit cistercien, les moines de Cîteaux. Et je vais citer Saint-Bernard de Clairvaux, j'aime bien citer Saint-Bernard. Donc c'est le cistercien certainement le plus connu, 1050, 1153, et qui disait, s'il y a des enseignants dans la salle, ne soyez pas surpris, je l'expliquerai, n'en voulez pas Saint-Bernard, ou si vous en voulez, il faut m'en vouloir à moi qui reprend. Donc tu trouveras dans les arbres, plus que dans les livres, les arbres et les roches t'enseigneront des choses qu'aucun maître ne te dira. Alors, petite explication, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les professeurs, les maîtres, qu'il faut laisser les livres de côté. Non, il faut les écouter, il faut lire, mais il faut être concret aussi. Hein, il faut être proche des réalités. Alors, j'ai entendu un jour un forestier, ça m'amusait, qui disait « Le forestier, il doit penser, réfléchir avec ses pieds. » Alors, c'est vrai qu'à quoi bon d'avoir des grandes théories, il faut voir avec le concret. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Allez, je crois qu'on peut dire sans forêt, mais dans beaucoup d'autres domaines. Mais j'arrête là mon verbiage et je vous remercie pour votre attention.